pas à Bali ou encore à Tahiti. Le monde entier peut bien m'ouvrir les bras. Qu'est-ce que j'irais foutre sans toi? Tomber pour la France, cramer mon existence. À quoi bon rêver de tout ça? S'il faut tout reprendre avec toi, dis-moi un peu la saveur d'une vie sans le bonheur de te confier un jour mes espoirs, ce dont les amants se font part. Je n'ai pas d'attitude, pas la moindre habitude. Alors que j'ai de l'énergie pour toi, je ne sais plus quoi faire de mes bras. Tu manques à ma vie, sans toi je suis pas fini. Et je suis arrivé au bout de moi. Oh mon alter ego, je t'étends dans la peau. En attendant je reste assis là. Car sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, je n'irai nulle part sans toi. Sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, sans toi, je n'irai nulle part sans toi. Pas à ma table, déjà tellement de choses à te raconter, une de plus, et j'explose de ma vie étriquée. Je sens déjà le poids.